Dans le fournil, ils ont couché le boulanger dans le pétrin. À son chevet, Antonin est assis sur un sac. Le prêtre et le marquis sont debout. Monsieur le marquis, je vous le demande. Je ne peux plus faire de pain puisque mon levain est parti. Je vous comprends, mon fils. Oh. Mais pour le moment, vous devriez dormir un peu. Oh, tu parles de ça comme s'il s'agissait seulement de fermer les yeux. D'abord, moi, si je ferme les yeux, je vois trop de choses. Écoutez-moi, mon ami. Oui. Vous avez l'estime de tout le village. Oui. Vous faites un pain, mais délicieux. Ça, je m'en flatte, alors je dis. Votre femme. Ma femme. Par une erreur, mais tout à fait incompréhensible, vous quitte. Me quitte. Pourquoi blasphémer? Ne sentez-vous pas que la méditation et la prière sont les seuls remèdes à votre malheur? Mais les prières, c'est pour quand on a fait des péchés. Mais du mal, je n'ai pas fait, moi. À qui? Quand? Alors, parce que le bon Dieu a permis que ma femme s'envole avec un gardien de mouton, il faut que j'aille lui demander pardon? Ah, vous savez, le bon Dieu, je le respecte, hein? Mais depuis aujourd'hui, il m'en doit. Oui, il m'en doit! Que cette femme soit partie, ce n'est un crime que pour elle, c'est certain, mais cela crève les yeux. Et puisque vous avez la conscience pure, réfugiez-vous auprès du Seigneur, il vous donnera tout ce qu'il ne vous doit pas. Il en parle à son aise. Vous risquez ailleurs, votre bon Dieu, il ne s'en ira pas. Il est cloué sur la croix. Mais le mien, il est parti. Vous blasphémez encore, mon fils. Non, ne l'appelle pas ton fils, garage de ton père. Et puis, ne parle pas des choses que tu connais pas. Que je te souhaite de ne jamais connaître. D'abord, tu es jeune et tu es prêt. Tiens. Sainte Cécile, hein, Sainte Cécile. C'est la patronne de notre village. Elle est belle, elle est pure, elle est douce. Enfin, c'est une sainte, hein. Eh bien, si on venait te dire qu'elle est partie avec un berger, qu'est-ce que tu dirais? Je dirais que c'est absurde et sacrilège. Eh bien, moi, et qu'est-ce que je dis? Moi, je dis, elle est chez sa mère. Il est jeune, il n'a pas touché la vie. Viens, boulanger, repose-toi. Maintenant que tu as la bonne cuite, endors-toi une heure ou deux. Et en te réveillant, tu comprendras mieux, hein? Merci. Antonin glisse un oreiller sous sa tête. Le boulanger le flaire et il plonge son visage. Ah, c'est son oreiller. Je sais où tu l'as trouvé. Tu l'as trouvé dans la chambre. Oh. À 16 ans, elle avait des seins comme des oranges. Maintenant, ils sont vivants comme des pigeons. Oh, et ses bras. L'odeur de ses bras. Taisez-vous, c'est abominable. Ah. Ah non, c'était pas abominable. L'odeur de sa tête sur l'oreiller. Une nuit, oh, il y a longtemps, hein, un rêve lui avait fait peur. Alors elle pleurait en dormant. Tout à coup, elle s'est jetée sur moi. Elle a mis sa tête, sa figure sur mon épaule. Elle s'est endormie. Avec ses cheveux chauds dans mon cou. Et maintenant, je suis seul. Je suis seul. Et je suis dans le pétrin. Vous voyez, monsieur le marquis, qu'on a raison de dire de quelqu'un qu'il est dans le pétrin. Je suis dans le pétrin. Et dans un pétrin qui ne pétrit plus. Parce que je dis qu'elle est chez sa mère. Oui. Seulement... Je commence à douter qu'elle n'y est peut-être pas, hein. Tenez, oui. Tu ne trouves pas qu'elle devrait revenir? Mais oui, je trouve, mais je suis sûr qu'elle reviendra. Monsieur le marquis, je dis ça pour sa santé. Oui, parce que cet homme-là ne peut pas s'occuper d'elle. Elle va prendre froid. À 4 heures du matin, sur un cheval. Sur un cheval volé. Mande pardon, monsieur. Aurélie, Aurélie, où es-tu? Couvre-toi, couvre-toi, couvre-toi. Il se couche, il ferme les yeux. Monsieur le curé, vous pouvez aller manger. Moi, je le garde. Il en a au moins pour 2 heures, c'est moi qui lui ai réglé ses perdants. C'est vrai que j'ai les vêpres. Oui, et moi je sais ce que je vais faire. Je vais rassembler tout le monde pour organiser les recherches. Si tu as besoin de moi, je suis au cercle. Tu n'as qu'à m'y faire demander. Hein? Merci, monsieur le marquis. Ils sortent. Antonin reprend sa place sur le sac de farine. Le boulanger semble dormir. Mais tout à coup, les yeux fermés, il appelle. Antonin! Oh! Laisse la porte ouverte. Bon. Je vais t'expliquer pourquoi. Mon père avait une poule faisane dans le poulailler qui lui servait à rien. Seulement, il aimait. Va chercher pourquoi. Dieu seul le sait, puisqu'il sait tout. Alors, un soir, comme d'habitude, ils ont fermé le poulailler. Ils se sont pas aperçus qu'elle n'était pas rentrée. Alors, quand elle est revenue, elle n'a pas pu rentrer. Elle a passé la nuit dehors. Tu sais ce qui est arrivé? Le renard l'a dévoré. Laisse la porte ouverte, Tonin. Pas peur, hein, elle est ouverte, elle est grande ouverte. Oui, laisse la porte ouverte.